إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on est arrivé au chapitre qui a pour titre الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. Et donc, toujours dans le cadre des cours d'explication du livre de Sifat Salah de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui est la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam comme si tu la voyais. Et on avait dit que c'était tiré de quel hadith? Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc ici, Cheikh Al-Albani rahimahullah, pour les frères et les sœurs qui n'étaient pas là au tout début des cours, on a un site, c'est spfbirmingham.com. Ils peuvent retourner au premier cours. Et j'avais fait, rahmukallah, et j'avais fait un cours sur les éditions, les différentes éditions de Sifat Salah. On avait dit qu'il y avait l'édition qui était l'asl de Sifat Salah, qui est le travail de toute sa vie de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui est en 1200 pages, 3 volumes. Puis il y a Sifat Salah qui a été traduit, qui est la version un peu plus résumée en un volume, qui a été traduit en français. Maktabat al-Ma'arif, c'est une édition bleue avec une mosquée de Médine, hein, en couverture, d'accord. Et on avait parlé aussi d'un autre qui est quoi, le Mulakhas, le tout petit. Et la différence aussi dans celui-là, il parlait des shurut et des arkan, etc. D'accord. Donc celui qu'on explique ici, c'est celui en un volume, hein, c'est celui qui est très connu chez les gens et qui est en fait, si vous voulez, une version plus concise des trois volumes qui sont l'asl, qui sont les 1200 pages, d'accord. Et l'explication sur laquelle on se base ici et qu'on traduit ensemble, c'est l'explication de Cheikh Mohamed ben Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala, qui est toujours enseignant, jusqu'à preuve du contraire, à Jami'at Umul Qura à la Mecque, dans Kouliyat Da'wa ou Usul al-Din, Qism al-Kitab wa Sunnah. Donc sur l'édition moi, que j'ai ici, c'est Dar al-Tawhid, Dar al-Istiqamah, on est arrivé à page 201. Alors on lit directement, قال المصنف رحمه الله وهو شيخ الألباني رحمه الله تعالى الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. وكان عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته وبإسمعه إياهم الآية أحيانا، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. Donc chapitre ici, et c'est donc la parole de Cheikh Al-Albani rahimahullah, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde a dit la récitation du Coran à voix haute et à voix basse. Alors ici, quand on a dit dans les cours, on fait toujours une traduction approximative, on rapporte juste le plus qu'on peut le sens de la parole en arabe, on la rapporte en français, mais il faut faire attention, si on veut traduire le jahr, hein, ou le sir, on avait expliqué qu'est-ce que c'était le jahr, et le dawabit, vous vous souvenez de ça ou pas, ma dawabit le jahr, ou ma dawabit le qira'a sirriya. Et je voudrais vous poser la question, quel est le qira'a le jahriya, et quel est le qira'a sirriya, c'est quoi le dawabit, ma hiya le dawabit? Quelqu'un sait répondre à ça? Par exemple, le jahriya, c'était quoi? Pour les frères qui étaient là au dernier cours, par exemple. On avait parlé plusieurs fois de ça. Ok, je pose la question différemment. Ok, quelqu'un maintenant, il prie, d'accord, et il ne bouge pas la langue. Il ne bouge pas les lèvres ni la langue. Sa salah, elle est quoi? Elle est nulle, batila, comme l'a dit Cheikh Bazmoul. On est d'accord, yak? Maintenant, salah sirriya. Par exemple, donnez-moi un exemple de salah sirriya. Hein? Al-Dhuhr, un autre exemple? Al-Asr. Et aussi, les deux dernières rak'at de l'Isha et la dernière rak'at de le Maghrib. D'accord. Maintenant, dans la qira'a sirriya, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'il doit lire? avec ses lèvres, bouger la langue bien sûr. Hein? Maintenant, question, on avait parlé de ça. Et ça c'est wujub, sinon qu'est-ce qu'on avait dit, c'est même pas considéré comme une lecture ou même un kalam. Hein? Et pour des frères qui ont fait un peu de nahou, c'est quoi le kalam? اللفظ كما قال ابن جرم رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أي للكلام لأن يكون كلام كلاما لا بد أن يتوفر فيه أربع شروط ها؟ الكلام كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الجرمية هو اللفظ أي النطق باللسان ها؟ اللفظ أي النطق باللسان le fait de prononcer chez les Arabes. C'est important de connaître ce genre de définition-là. Vous voyez que, comme quoi c'est important d'apprendre la langue arabe, la grammaire. Pour les Arabes, pour les grammairiens, plus précisément arabes, eh bien, le kalam, c'est quoi? C'est une prononciation de la langue. Hein? Ça doit être prononcé par la langue. Le kalam, ou l'afd, ou le murakkab. Murakkab, c'est min kalimataini. Fa akhtara. Qu'est-ce qu'on dit? Haqiqatan ou taqdira. Hein? Que ce soit sous-entendu ou explicite. Comme si je dis maintenant, qum. Si je regarde le frère, je dis qum, qum. C'est un kalam ou pas? Naam kalam, limada. Kalima wahida. Parce qu'il y a un quoi? Un taqdir. Yani anta qum ou qum anta. Donc il y a deux mots ou pas? D'accord, donc chart, le deuxième chart, il est là ou pas? Naam. Al-mufid. Mufid. Qala shir al-atimin. Vas-y. صحيح بارك الله فيك المعنى ولكن فوي الحفظ غتيان لا كوم سا ان شاء الله الى دون النحو الواضح يفودي يفوديس باغ اكزومبل ما افاد فائده تامه وكما قال الشيخ العثيمين بحيث لا يتشوف السامع الى غيره بعده يتشوف تي شيرش با السامع يشيرش با كوا لا سويت ابري سولا ها سي جي تي دي ميتنان البيت الجميل الأحمر القريب. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me regardes avec des grands yeux. Tu me dis وماذا? Et quoi? Tu attends. تتشوف إلى غيره. C'est pas le sujet du cours aujourd'hui, mais on fait un peu de grammaire. C'est pas un problème. Hein? المفيد بالوضع. Alors c'est quoi الوضع? الوضع العربي. Un autre معنى que Cheikh Al-Uthaymeen rapporte. أن يكون الواضع للكلام قاصدا وضعه. C'est que celui qui parle, il a l'intention de parler. Et ça, c'est ce qu'on appelle un qaid ihtirazi en arabe. C'est-à-dire que c'est une condition pour que des choses sortent de la définition. C'est-à-dire que, par exemple, la parole de celui qui est sous, qui a bu, est-ce que c'est un câlin pour eux? Non, parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Celui qui, par exemple, qui délire, quelqu'un qui a de la fièvre, par exemple, et qui délire. Ce qu'on appelle en arabe « al-hadhi », hein? C'est pas un câlin pour eux. Un na'im, celui qui dort. L'anou lam yaqsoud al-wada', hein? D'accord? Ça c'est parmi les choix de la thème, il dit ça dans Shah Azrumia ala kulli hal. Donc pourquoi on a parlé de tout ça ici? C'est que ça doit être un quoi? Un nutq bil-lisan. Sinon c'est pas considéré par un qira'a ou un kalam. Hein? Et ça que ce soit, quoi on a dit? Sirriya, ça doit être prononcé avec la langue. Hein, bouger la langue et bouger les lèvres. Maintenant, la question, est-ce que tu dois te faire entendre toi-même ou pas? Là, on avait dit quoi? Certains ulama disent, oui, tu te fais entendre toi-même. Hein, d'accord? Et certains ulama disent que ça suffit que tu... Hein, qui avait dit parmi les ulama que ça suffit que tu bouges? Cheikh l'Islam Outaymi Ahsan, barakallahu fik. Hein? Maintenant, le jahriya. C'est quoi le jahriya? Ben, c'est que tu bouges évidemment la langue, hein, et que tu prononces, mais que quoi que tu prononces d'une manière à ce que tu sois entendu par les gens proches. Hein? Tu as trouvé le mot heavy? Non? Ah, ok. D'accord. Hein? Comment on dit heavy? Quelqu'un qui délire, un délirant. Dis pas ça. Hein? Non, mais il n'y a pas un mot, hein, juste un mot, non? Akhir ala kulli hal. Hein? D'accord, donc c'est ça, c'est assez important de retenir, parce que ça, c'est, on a vu ça plusieurs fois, hein. Si vous ne retenez pas ça, c'est qu'il y a un problème dans votre approche du livre, d'accord, hein? Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah? La récitation du Coran à voix haute et à voix basse lors des cinq prières et dans d'autres circonstances. Donc on va analyser ça. Cheikh l'Albani rahimahullah, il dit, le prophète alayhi salatu wasalam récitait à voix haute lors de quelle prière? La prière du Subh, lors des deux premières rak'at, unités de prière, des prières d'Al-Maghrib et d'Al-Isha. Par contre, il récitait à voix basse lors de la prière du Dhuhr et Al-Asr, et la troisième rak'at de la prière Al-Maghrib. D'accord? Et les deux dernières rak'at de la prière, on a déjà dit ça, de l'Isha, yak, hein? Ils, c'est-à-dire les compagnons, radiallahu anhum, savaient quand ils récitaient à voix basse, comment est-ce qu'ils savaient ça? Bittirabi lihyatihi. C'est-à-dire au mouvement oscillatoire de sa barbe. Ils savaient qu'ils récitaient. Hein? Et vous connaissez les narrations, le prophète, hein? Quoi? C'est important de connaître la description du prophète, alayhi salam. Est-ce qu'il avait une petite barbe ou il avait une grosse barbe, alayhi salam? Hein? Naam. Hein? Hum? Mais aussi du fait qu'il leur faisait entendre un verset de temps à autre. Ça, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, ça. Il leur faisait entendre un verset de temps à autre. Hmm? C'est-à-dire quoi, dans la prière à voix basse? De temps en temps, il leur faisait entendre. Et sahaba, il le faisait aussi, comme on va le voir, inshallah. Pourquoi? C'est quoi la hikma de ça? Exactement, c'est un enseignement pour savoir qu'est-ce qui doit être récité. Hmm? Ça fait partie du fiqh du imam de faire ça de temps en temps, d'accord? En outre, il récitait alayhi salatu wasalam à voix haute lors de la prière du vendredi et les deux prières de l'Aïd, qui est Aïd al-Fitr ou Aïd al-Adha. D'accord. Pourquoi l'appelle Aïd al-Fitr? Non, c'est tout simplement parce que c'est la rupture du jeûne, du jeûne obligatoire du mois de Ramadan, et l'Adha, sacrifice, tout simplement. D'accord. Donc on a dit quoi de celle des deux Aïd, de la demande de pluie qu'on appelle istisqa. Et c'est quoi istisqa? C'est du verbe. Ah oui, je me rappelle, le frère il avait raison avant que j'oublie. Hein? Le masdar que j'avais dit qui était erroné, j'avais promis que j'allais corriger. Hein? C'était tawkid. Moi j'avais dit que c'était le masdar de akkada. Il a raison le frère, c'est wakkada. C'est ça que tu avais dit. Hein? Ça ou là? Yuakkidu tawkidan. D'accord, c'est qu'on corrige ça. Maintenant on revient à istisqa. Istasqa, yastasqi. Istisqa'an, c'est talabu suqya. Hein? D'accord? C'est de demander la pluie. Il y a une prière dans la sunna qui est rapportée, l'istisqa. D'accord? Et de l'éclipse lunaire et solaire. Alors ici, il y a une différence en arabe entre le kousouf et le khousouf. Il y a une différence en arabe entre le kousouf et le khousouf. Hein? La différence, elle est expliquée de manière complète à son habitude, par qui, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, dans Sharh Al-Mumti'. Il explique. Si vous voulez, une fois on fait. Hein, je vous avais dit plein de fois dans nos cours, on disait, oh, si vous voulez, on fait un cours, et un frère qui devait noter. Ça fait presque 2 ans qu'on fait des cours, on ne m'a jamais rien rappelé. D'accord? Donc je ne sais pas qui tient cette feuille-là, ou s'il y en a un qui la tient. Hein? C'est qui? C'est toi? Non? On avait dit qu'il y avait un frère qui devait noter chaque fois qu'on parlait d'un sujet à part, hein, qu'on pouvait le traiter à part. Personne. Donc ça fait 2 ans qu'on le dit dans les cassettes et. Hein? On a les audios, hein? On va aller tous les réécouter à part pour savoir c'est qui, hein? C'est pas bête, ça. Hein? D'accord? À la koulihal, éclipse lunaire et solaire. Bon, pour les frères qui ont fait un peu de science, c'est quoi l'éclipse lunaire? T'es sûr? C'est la lune qui s'éclipse. Elle est pas mal celle-là. Et le soleil, et le solaire, c'est le soleil qui s'éclipse. T'as fait le bac science, toi? Tu brossais les cours. Hein? Hmm? Exactement. C'est pas bête ce qu'il dit, le frère. Hein? Tu es sûr? Hmm? Voilà. Koussouf. Et le Koussouf. Ah, t'es en train de me demander de faire le dars de Cheikh Al-Uthaymeen, là. Si vous voulez, à la koulihal, Sharh Al-Mumti' pour les frères qui ont l'arabe, sinon si vous voulez, on fera un truc à part. À la koulihal, ici, c'est juste pour savoir que lors de ces prières-là, qu'est-ce qui se passe? Le prophète, Al-Sassim, comment il les lisait? À voix haute. Alhamdoulilah, cette sunna, on l'a pratiquée ici. Hein? Vous vous souvenez pas? Hein? On l'a pratiquée ici, c'est que normalement, la sunna, c'est que quand il y a une éclipse, c'est que le munad, il appelle les gens à la prière et que les gens ils viennent prier. Pourquoi? Non. C'est un signe parmi les signes et on doit avoir peur. Hein? D'accord? Maintenant, on a l'explication de Cheikh Mohamed Bazmoul de ce chapitre-là, inshallah. وهذا الفصل في هذا المصل الفصل عفوا المسائل التالية. المسألة الأولى ما هو ضابط القراءة السرية والقراءة الجهرية؟ قال العلماء ضابط القراءة الجهرية أن يتلو الآية بحيث يسمع من بجواره، فإذا قرأ الإنسان الآية وسمعه من من بجواره فإنه قرأ قراءة جهرية. وقالوا أما القراءة السرية فهي أن يتلو الإنسان، أن يأتي بالأذكار ويحرك بها لسانه بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه من كان قريبا منه. في القراءة السرية لا بد فيها من حركة اللسان، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تصح ولو لم يسمع عفوا نفسه، وذهب غيره إلى أن القراءة السرية لابد فيها من حركة اللسان ولابد فيها من إسماع النفس، بحيث لو أن أحدا وضع أذنه قريبا من رأس هذا القارئ الذي يقرأ قراءة سرية لعرف ماذا يقرأ. رغم أن الفرق بين الإسماع والسماع والاستماع، كيف يمكن أن يقول ما الفرق؟ سمع، تخدو simplement سمع، entendre، on est d'accord، صح؟ استماع و استماع écouter exactement، c'est-à-dire quoi؟ hein؟ il y a une volonté là d'écouter، hein؟ نعم. maintenant الاسماع faire entendre، جزاك الله خيرا، tu fasses entendre، تسمع نفسك أو تسمع غيرك، tu te fasses entendre toi-même ou que tu fasses entendre autrui, autre que toi. D'accord ? Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Bazmoul dans ses premiers points tirés de ce chapitre ? Il dit, Hafidhahullah, quelle est la règle concernant la lecture à voix basse et celle à voix haute ? Je m'arrête juste, vérifier si Paltalk c'est toujours on et si toujours... sans rien toucher, juste voir si les gens ils entendent toujours sur Paltalk, le mic il est on et si l'enregistrement il est toujours... Tu touches à rien, barakallahu fik. Hein? Quelle est la règle concernant la lecture à voix basse et celle à voix haute? Les savants ont dit, la récitation à voix haute, c'est de réciter le verset et que les gens qui sont à proximité, présents, hein, c'est-à-dire à proximité, puissent l'entendre. Donc si quelqu'un récite un verset et que ceux qui sont à proximité de lui l'entendent, il aura alors récité à voix haute ce qu'on appelle al-qira'a al-jahriya. Ils ont dit aussi, et la lecture à voix basse, c'est de réciter ou de dire des invocations en bougeant la langue et de manière à se faire entendre soi-même. Mais ceux qui sont à proximité ne peuvent pas l'entendre. Il est obligatoire de bouger la langue dans la lecture à voix basse. Sinon quoi, ça là, elle est Bâtila, comme l'avait dit Cheikh Bazmoul dans le cours qu'on avait, dans les cours précédents. Cheikh Al-Islam Boutaymi, rahimahullah, il a l'avis que c'est suffisant, et c'est même s'il ne se fait pas entendre à lui-même. Donc si tu bouges ta langue, c'est suffisant. D'accord ? D'autres savants ont l'avis qu'il faut bouger la langue et qu'il faut se faire entendre à soi-même. De manière à ce que, si quelqu'un venait à placer son oreille très proche de la tête du récitateur, qui récite à voix basse, il pourrait quoi ? Savoir, hein ? Comme il a dit, la arafa mada yaqra, il saurait ce qu'il récite. Donc moi, je suis très proche de toi, tu récites à voix basse, parce que tu te fais entendre toi-même, je pourrais quoi ? Ben, je pourrais dire, pour toi, il est en train de lire surat al-Dhariyat, par exemple, d'accord ? C'est ça que ça veut dire ici. Deuxième point, mas'alatu thaniya. Ida arafna dhabit al-qira'ati wal-jahriya wa dhabit al-qira'ati siriya, naqul ma yasna'uhu ba'du an-nas min wukufin. في الصلاة مغلقين شفتيهم غير محركين لسانهم حتى ينتهوا من الصلاة لا يحركون لسانهم بالقراءة في القيام الذي به القراءة ولا يحركون لسانهم بالأذكار لا في الركوع ولا في الرفع منه ولا في السجود ولا في الرفع منه ولا في الجلوس للتشهد فنقول هؤلاء صلاتهم ماذا؟ صحيحة؟ نو سيكون دي باطلة لأنهم لم يقرأوا في الصلاة فلا بد من القراءة عفوا في القراءة من حركة اللسان وعند بعض الفقهاء لا بد في القراءة السرية من حركة اللسان وإسماع نفسه وهذه قضية مهمة. Pourquoi il dit قضية مهمة؟ C'est une chose importante. Parce que si tu ne le fais pas correctement, ta salah est batila. Donc l'importance de ce genre de dorus, là, que la salah, c'est le deuxième pilier de l'islam. كثيرا ما يأتي الناس يقولون نحافظ على أذكار الصباح والمساء ونستعيد بالله ومع ذلك أصابنا كذا أو حصل كذا. نقول أذكار الصباح والمساء إذا قلتها سرا لا بد أن تحرك بها لسانك ولا ينفع أن تمر بعينيك على السطور وتقول هذه هي القراءة السرية، هذه لا تسمى قراءة ولا تسمى كلاما في لغة العرب. القراءة في الكلام في لغة العرب لابد فيه من حركة اللسان، لذلك كما ترون جاء في الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في السرية باضطراب لحيته، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في السرية كان يحرك لسانه وشفتيه. سكوا الشفة والشفتين للدول لفغ littéralement c'est un duel qu'on appelle مثنى وشفتيه c'est deux lèvres. وهذا مع القدرة وعدم المانع. Donc qu'est-ce que dit Cheikh Bazmoul ici, حفظه الله, si nous savons la règle concernant la lecture à voix basse et celle à voix haute. Nous disons, ce que font certaines personnes lorsqu'ils se tiennent debout, en prière, les lèvres fermées, et sans bouger la langue jusqu'à la fin de la prière, ils ne bougent pas la langue lorsqu'ils se tiennent en position debout, dans laquelle ils doivent réciter, et ne bougent pas leurs lèvres lors des invocations, ni dans l'inclinaison. Hein, parce que dans l'inclinaison, il y a des invocations ou pas? Qu'est-ce qu'on dit dans le recours? Ah, ne me faites pas peur, les frères, dites, répondez à quoi? Ah, vous. Hein? Mais des fois, c'est. Il faut vous mettre à ma place ici, hein? Bah ouais, bah c'est pas bien, ça dit la réponse, c'est khlas. Hein? On a dit quoi dans le recours? Dans l'inclinaison? Ni lorsqu'il se relève de cette inclinaison, ce qu'on appelle en arabe al-raf'a. Mais dans le recours, il y a une invocation à dire ou pas? Qu'est-ce qu'on dit? Al-khilaf. Quand tu es derrière un imam. Hein? Certains ulama, ils ont la vie que tu dis quand même, Samia Allah al-Muhammad. C'est juste, très juste. Qu'on a dit quoi? Ni en se relevant de la prosternation. Hein? Qu'on appelle quoi en arabe? Quoi, minasujud? Hein? Regardez ce que j'ai dit. Se relever de sujud. Minasujud. Sauf ce que tu dis quoi? C'est quoi? Jalsa benasujdatayn. D'accord? Non, c'est juste. Comment on dit au fait le fait de descendre en sujud? الهوي الى السجود. ما شاء الله بارك الله فيك احسن. ها الى الى الى تزيفك الها لوي ها il a raison. Donc ni dans la position assise du tashahhud. Nous disons que leur prière est nulle, batila, car ils n'ont pas récité dans leur prière. Il est obligatoire lors de la récitation de bouger la langue, et chez certains jurisconsultes, certains fuqaha, il est obligatoire de bouger la langue et de se faire entendre soi-même. Et ceci est une chose importante. Beaucoup de gens viennent dire, ah oui, vous avez sûrement déjà entendu ça. Nous sommes constants dans les invocations du matin et du soir et on cherche refuge auprès d'Allah et malgré cela, nous avons été touchés par telle et telle chose. Hein? Regardez déjà. Et qui t'a dit que tes invocations sont acceptées déjà de un? Hein? C'est comme un frère un jour, il vient chez moi, il me dit, c'est grave, hein? Il me l'a dit, il me dit, ah, j'en ai marre de faire doua. J'ai pas de réponse. A'udhu billah. Parmi adab du'a, c'est quoi? C'est de? Istimrar. Tu continues, tu n'arrêtes pas, ya akhi. Déjà là-bas, tu as peut-être un problème dans ta du'a. Peut-être que tu manges le haram, ou que tu bois le haram. Hein? C'est vrai ou pas? Il y a des mawani', comme il y a des shuroutes dans le du'a, il y a des mawani' aussi. Hein? Fa'anna yustajabu lah, qu'on a vu dans ce hadith, vous vous souvenez? Hein, on mange haram, on mange haram, on vêt haram, on goûte le haram. Hein? Alors que pourtant il est en voyage, il est plein de poussière, il lève ses mains, ya Rab, il y a tout, hein? Des conditions qui sont là pour l'acceptation, non? Mais il y a des mawani'. Hein? D'accord? C'est pour ça que les enfants à Salafi School, toujours en général, surtout en troisième année, je fais avec tous les adab du'a. Hein? Toutes les conditions et le mawani'. Plus ce qu'on appelle aussi Amakin istijaba, qu'on peut traduire par quoi? Les places propices, spécifiques, hein, à l'acceptation. Al-awqat, awqat istijaba, les temps, les moments. Et aussi l'ashras. Il y a un type de gens spécifiques, par exemple celui qui est pieux. D'accord? Celui qui, par exemple, en voyage, etc. D'accord? Qui sait me donner? Ok, qui sait me donner un temps? Toi, tu réponds pas parce que tu es avec moi en classe. Une heure avant? Non, c'est-à-dire akhir, la dernière heure de l'Asr. Oh, ça, tu l'as pris de ton fils, ça la fille, cool celle-là. Hein? Inch'Allah. Ça va. Ouais. Hein? Mercredi entre eux? Très juste. C'est celle-là que j'attendais en fait. Mercredi entre Dhuhr al-Asr, il y a un hadith Hassan, jugé Hassan par Cheikh al-Albani, comme quoi Dua l'a accepté. C'est salamat. Hein? On vient de le dire. Ouais, on a dit, hein, le dernier de l'Asr, on avait dit ça. Qu'est-ce qu'on. Un autre moment encore. Entre l'Adhan et l'Iqama, un autre moment. Qu'est-ce que vous pensez du jour d'Arafah? Même si tu n'es pas à l'Hajj, vous êtes d'accord ou pas? Non, celui qui n'est pas à l'Hajj, c'est le jour. Pour celui qui a l'Hajj, c'est quoi? L'endroit. L'endroit, il est évidemment bien sûr le jour, mais hein, c'est l'endroit, d'accord? On va voir la sanad après ensemble, Inch'Allah. On va voir la sanad, hein? Barakallahu fik, le dernier tir de la nuit. Allez, encore. Hein? Un temps. C'est juste un endroit, non? Ouais, là je demande un temps. Quand il pleut? Hein? Toi, tu veux un cours, toi, tu veux. Hein? Abou Talha, il a parlé de ça dans un de ses cours. Non? Mariat Salihin. À la Kulli Hal. Maintenant, donnez-moi un exemple d'endroit. Jamarat, ça vous dit rien? Entre deux. Non, ça y est, Hassan. Ça, c'est un exemple d'endroit. Autour de la Kaaba, il y a entre deux rukn. Ça, c'est après ça, c'est la mort aussi. Ça, c'est... Non? Il fait des drosses à la maison, quoi. Allez, kul hal, on continue, Inch'Allah. Donc, ils disent quoi? Ils disent, nous répondons, les invocations du matin et du soir, si tu le dis à voix basse, tu te dois de bouger ta langue en les récitant, et il ne suffit pas que tu lises les lignes avec tes yeux et que tu dises, ceci est la lecture à voix basse. Car cette récitation ne peut être appelée récitation, ni même parole dans la langue arabe. Car la récitation, pour qu'elle soit appelée la récitation dans la langue arabe, elle doit être avec le mouvement de la langue. C'est pour cette raison, comme vous le voyez, qu'il a été rapporté dans le hadith que les compagnons connaissaient, radiallahu anhum, la lecture du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je rappelle l'obligation de dire sallallahu alayhi wa sallam, dans les prières à voix basse, par le mouvement de sa barbe, alayhi salatu wassalam. Ceci indique que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, bougeait la langue, même dans la récitation à voix basse, et ses lèvres également, et ceci évidemment, si on en a la capacité, et que rien ne nous empêche de le faire. Un empêchement, mania. Un frère va dire, mais qu'est-ce que tu dis? Ben, dans la mosquée ici, on a un frère qui est muet. Hein, vous le connaissez tous. Il y en avait, alhamdoulilah, le grand honneur d'avoir accepté un groupe de frères sourds et muets à la Daura qu'on avait fait francophone, qu'Allah les préserve tous. Hein. Ben, vous ne posez pas la question. C'est quoi le hukm, etc. Évidemment. Hein. Yeah. Bien sûr. Ils sont muets. Comment voulez-vous qu'ils lisent? Hein. D'accord. Vous voyez, subhanallah, comment j'ai remarqué, ils bougent quand même les lèvres. Hein. Vous avez vu ça? Hein. Et qu'ils font qu'ils articulent. Hein? D'accord, il y en a un, c'était vraiment un moment qui m'a touché. Parce que le dernier jour, la conférence après Salat al-Fajr, je prenais ma voiture et je rentrais à la maison. Et lui partait, il prenait l'aéroport et il m'a dit Ouhibbouka fillah. Mais quand c'est un muet qui vous dit ça, hein, Allah, c'est différent. Il nous a remercié pour l'accueil, etc. Il m'a dit Ouhibbouka fillah. Hein, qu'Allah les préserve. C'était très touchant. Ala kulli hal. On passe au troisième point. المسألة الثالثة بيان المواضع التي جهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات المفروضة الخمس. المواضع التي أصر فيها عليه الصلاة والسلام في القراءة في المواضع من الصلوات الخمس. فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في الركعتين في ركعتين الفجر. مش ديك يغرسي فون في الألف واللام. في ركعتي الفجر. إيه بس كن نون بارك الله فيك. ركعتي الفجر. Pourquoi parce que nous حذفة للإضافة، d'accord؟ parce que c'est un مثنى. وفي الأوليين من صلاة المغرب وفي الأوليين من صلاة العشاء وكان يسر في القراءة فيما عدا ذلك. وقلنا معنى الإصرار هو أن يكون بحركة اللسان، أما أن يقف الإنسان جامدا لا يحرك شفتيه ولا لسانه ولا يسمع نفسه عند بعض الفقهاء فإن هذا ليس بقارئ، وإن لم يقرأ سورة الفاتحة إلا بهذه السورة وهي ركن فصلاته باطلة. هنا question que je vous pose. Il y a des fuqaha qui disent que tu dois te faire entendre toi-même, d'autres qui disent non. C'est quoi le mieux? Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux? Qu'on avait rapporté une règle à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est le meilleur pour ton dîn? Qu'est-ce que Cheikh Al-Mahsi Al-Abbad nous avait conseillé dans Shurut Salah? Allah ybarak fik, de sortir du khilaf et de quoi? De faire ce qu'on appelle en arabe Al-Ahwata. C'est quoi l'Ahwat? Le plus sûr. Al-Awra'. Ce qui est plus pieux pour sortir quoi des... on avait parlé de ça quand on avait parlé du fait de se dire surat al-fatiha derrière l'imam qui prie à voix haute. Certains ulama comme Cheikh Al-Albani rahimahullah ils disent tu ne la lis pas. Certains ulama comme Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Ben Baz et d'autres, on avait reporté ça dans ce livre en plus encore, hein, vous vous souvenez de ça, hein? Et là ils disent quoi? Ils disent non, tu la lis quand même, hein? Tu la lis quand même parce que c'est un rukn. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Ils avaient rapporté une belle parole de Cheikh Mohamed Amel Jami, il avait dit, moi ce que je conseille, surtout aux débutants, ceux qui ne sont pas des tulab ilm mutamakkinin, qui ne savent pas, voir faire ce qu'on appelle un tarjih, entre aqwa l'ulama, bil adila shar'iyya, c'est-à-dire le fait de voir ce qu'est la parole du plus fort, la plus forte de la moins forte, hein, avec les preuves de la législation islamique, il faut un fiqh pour ça, il faut une compréhension de la religion. Il dit quoi? Il dit, je conseille de la lire. Pourquoi? Parce que l'insan c'est quoi? L'insan il doit se dégager de ses responsabilités, faire ce qu'il y a le mieux pour son dîn et être sûr que sa salah elle est valide. D'accord? Donc qu'est-ce que Cheikh Bezmoun nous dit dans ce troisième point ici? La mise en évidence des moments où le messager d'Allah a récité à voix haute dans les cinq prières obligatoires, ce qu'on appelle le khams al-mufruda, et les moments endroits où il a récité à voix basse dans les cinq prières quotidiennes obligatoires. L'auteur a cité que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait à voix haute dans les deux unités de prière d'Al-Fajr. Là, on est d'accord. Hein? Et dans les deux premières de la prière du Maghrib. On est d'accord. Hein? Et les deux premières d'Al-Isha. Et le récitait à voix basse aux autres endroits. Nous avons dit que le sens de réciter à voix basse est de réciter sans bouger la langue. C'est juste que je dis ça. Hein? C'est-à-dire quoi, c'est? Tu vois, j'ai fait une erreur en traduisant ici. J'ai mis sans bouger la langue. C'est en bougeant la langue, ça, oulala. Hein? De réciter en bougeant la langue. Tandis que si quelqu'un... Tandis que si quelqu'un reste debout, rigide, sans bouger les lèvres, ni la langue, et sans se faire entendre soi-même, chez certains ulama, chez certains jurisconsultes, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui récite. Et écoutez maintenant. Et s'il récite la Fatiha de cette manière, la Fatiha qui est un pilier, eh bien sa prière est nulle et non acceptée. Hein? D'accord? Qu'est-ce que tu as dit? Non avenue, non acceptée. Batila, on a un mot en arabe. Hein? المسألة الرابعة صلاة الجمعة وصلاة العيدين صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بها ومعلوم أن صلاة الجمعة تكون في النهار وصلاة العيدين في النهار وصلاة الاستسقاء تكون في النهار كذا صلاة الكسوف سواء كان كسوفا أو خسوفا. voyez la différence entre les deux qu'il a fait. سواء كان ça répond à ce que tu avais dit tout à l'heure, tu avais parlé la nuit du jour, etc. سواء كان بسبب غياب الشمس أو القمر. que ce soit le soleil qui disparaisse ou que ce soit la lune qui disparaisse, parce que les deux peuvent disparaître. C'est ce qui fait la différence entre une lunaire et une solaire. D'accord ? Ben, qu'est-ce qu'il dit Cheikh Bazoumou dans ce quatrième point ici ? Il dit la prière du vendredi, des deux fêtes, de la demande de la pluie, ce qu'on appelait en arabe l'istisqa, de l'éclipse, le kousouf, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est récité à voix haute et il est connu que la prière du vendredi est dans la journée. On est d'accord ? Vous suivez là ou pas ? C'est pas la nuit quand même. Hein ? On est d'accord ? C'est à quel moment ? Exactement, au moment de dhuhr, on est juste, c'est juste ou pas? Il faut savoir que les ulama, ils ont des chapitres qui s'appellent quoi? Dans le fiqh? Qui concernent l'entrée de la prière. L'heure d'entrée de la prière. Le moment. Hein? Dukhul salah. Ou dukhul waqt salah. Des chapitres, dans chaque livre de fiqh, il y a un chapitre là-dessus sur. Et c'est quoi l'alamat, etc., les discussions à ce niveau-là. Hein? D'accord? Ou le mawaqit, dans certains livres, là, le mawaqit. Il est connu que la prière du vendredi est dans la journée, ainsi que les deux fêtes et al-istisqa, ainsi que celle de l'éclipse, que ce soit kousouf ou khousouf, et que ce soit en raison de la disparition du soleil, ou si vous voulez, éclipse, du soleil ou de la lune, d'accord ? Cinquième point. Al-mas'alatul khamisa. Ida salla l'insanu fard al-maghrib, ou salla l'isha, ou salla l'fajr, sallahu munfaridan, hal yajharu ou yusirru. Maintenant, c'est une question que vous pouvez peut-être directement vous poser. Dites, ouais, mais d'accord. Maintenant, on a parlé de quoi de, en jama'a. Hein? Ou plus de manière générale. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant si on prie munfarid? On a vu la différence entre la prière en jama'a, jama'atan, ou munfaridan. Munfaridan, c'est quand tu pries tout seul, du mot fard en arabe, un individu. Hein? D'accord? Tu pries tout seul. Tu places comme ça, tu pries tout seul. Maintenant, quand tu pries cette prière seule, qu'on a parlé de le Maghrib, l'Isha ou le Fajr, est-ce que tu l'as pris à voix haute ou à voix basse? Les ulama, ils ont parlé de ça. Dhakarna anna rasul sa'asim kana yajharu fiha bil qira'a. Salat al-Fajr, wal ulayyin min salat al-Maghrib, wal ulayyin min salat al-Isha. Fa dhahaba ba'du ahli al-ilmi annahu yarfa'u sawtahu akhdan bi'umumi qawli alayhi salatu wassalam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. وذهب آخرون أن المنفرد إذا صلى هذه الصلوات التي جاءت فيها الجار يسر ولا يرفع صوته. Question ici en Lugha. Pourquoi j'ai dit salawati et j'ai pas dit salawata? Je répète la phrase. إذا صلى هذه الصلوات. في الإعراب كيف الإعراب؟ صلى. Allez les frères, on n'a pas le temps. Vite, vite. Ça doit aller directement. Hein? Eh, Wazid, me venez. Oh là là. Oh, il y a un khilaf entre Nahouin là. Non ? Ah, je crois qu'on va aller directement me faire le c'est ça lui. Hein ? Zid. Ah, Zid. هذه الصلوات صلى الصلوات. Les salawat c'est ah, des fois, je regrette de poser des questions. Je me dis, c'était un fun. Hein? Oublie le fa'il, parle mon fa'ul bihi. Parce que le salat, on l'a déjà oublié. Il y a déjà des khilaf entre vous. Ouais, d'accord. Le badal mansoub, il est mansoub. Ouais, d'accord. Mais ici, c'est quoi alamat nasb? Pourquoi? جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم صح شفتوا ها قالوا لان الامام في هذه الصلوات يسمع الناس والرسول صلى الله عليه وسلم انما نقل عنه الجهر في ادائها جماعه فاذا صلى المنفردا يصلي كصلاه المنفرد ان شاء رفع وان شاء جهر وهذا روايه عن احمد ان المسلم اذا صلى منفردا الصلاه المفروضه التي سن الجهر فيها انه لا يسن له رفع الصوت ولا الجهر فيها إنما رفع الصوت عفوا رفع الصوت والجهر فيها إنما جاء في صلاة الجماعة لا في صلاتها على الانفراد، ولأن هذا أبعد عن الرياء وأبعد عن أمور أخرى ممكن تحدث للمسلم. Puis on va lire la parole d'Ibn Qudama dans le Mughni, inshallah. On traduit déjà ça. Cinquième point, donc, et je voudrais que vous suivez, parce que là, c'est important de bien faire un organigramme, un schéma dans votre tête qui soit bien clair. Si quelqu'un prie la prière obligatoire du Maghrib, ou l'Isha ou l'Fajr, et qu'il l'a prie munfarid, individuellement, seul, doit-il la réciter à voix haute ou à voix basse? C'est ça la discussion des ulama maintenant. Nous avons dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait ses prières à voix. Oui, haute, dites-le, les frères, pas avoir peur. Hein, voix haute. Hein, les gens sur Palto qui voudraient répondre, peut-être. Hein, ils peuvent pas. Hein, vous privez pas, d'accord. La prière du Fajr, les deux premières unités de prière du Maghrib et les deux prières premières de l'Isha. Certains parmi les gens de science ont dit qu'il devait élever sa voix en prenant la généralité de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, le professeur Zil a prié en jama'a comme ça. Nous, on prie en prenant la généralité du texte. Parce qu'il nous a demandé de prier comme il a prié, alayhi salatu wassalam. Enfin, il nous a ordonné, pardon. Hein? D'autres ont dit que lorsque quelqu'un prie seul ses prières, on doit lire avec jahr. Hein? Je répète. Si quelqu'un prie seul ses prières, ou normalement, on doit lire à haute voix, avec le jahr, d'accord ? Eh bien qu'il devait les lire à voix basse et ne pas élever sa voix quand il est seul. Donc c'est des prières qui sont jahriya normalement, jama'a. Mais quand tu l'as pris seul, qu'est-ce que tu fais? Allah hafadak, hein? C'est quoi? C'est que tu l'as pris à voix basse. On va voir pourquoi. Et on va voir à la fin, on va tout résumer, inshallah, à la fin. Ils ont dit, la raison, car l'imam dans ses prières fait entendre ce qu'il récite aux gens. Et la lecture à voix haute du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a été rapportée que dans les prières en jama'a, en congrégation. Donc lorsqu'il prie seul, il prie comme quelqu'un qui prie individuellement. S'il veut, il élève la voix. Et s'il veut, il fait al-jahr. Alors je vous avouerai que c'est clair, cette phrase n'est pas claire pour moi. Parce que je n'ai pas vu la différence entre les deux. C'est peut-être moi qui n'ai pas compris la parole du shir. Si quelqu'un l'a compris, qu'il me l'explique ici. Donc je répète en français, c'est si quelqu'un prie individuellement, s'il veut, il élève la voix. Yarfa sawtahu wa insha'a jahara. Moi, j'ai français sarahatan, j'ai pas vu wajh at-tafriq baynahuma. Possible. Moi, je laisse ça comme ça, d'accord? On voit, de toute façon, ça touche en rien ce qu'on va dire après, inshallah. C'est une version rapportée de l'imam Ahmed. Que le musulman, lorsqu'il prie une prière obligatoire, où la sunna est de prier à voix haute, mais qu'il la prie seul, que ce n'est pas une sunna pour lui d'élever la voix. D'accord ? Lire à voix haute et élever la voix n'a été rapporté qu'en dans les prières en jama'a, en congrégation, pas dans les prières individuelles. Et ceci aide à rester loin de l'ostentation riya. Et d'autres choses encore qui peuvent toucher le musulman. Alors maintenant, on va lire la parole d'Ibn Qudama dans le Mughni. Et c'est un livre de référence dans le fiqh, le Mughni d'Ibn Qudama. Il dit, et ça va éclaircir, inshallah, les choses. Faslun. وهذا الجهر مشروع للإمام ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف وذلك لأن المأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له بل قد منع من القراءة لأجل ذلك وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه. C'est quoi قضاء الصلوات? C'est un chapitre aussi dans le fiqh. Comment on pourrait traduire ça? Récupérer une prière qui n'a pas été priée? Qada? Hein? Qui sait me donner par exemple un exemple dans Siyam? Qada Siyam. Pour nous, peut-être nous aider à comprendre le mot Qada. Une femme par exemple qui a ses menstrues, qui a ses règles. D'accord? Et qui a capacité de prier après. Elle ne doit pas remettre les jours. Hein, voilà. Le mot remettre alors, on peut utiliser ça peut-être, remettre. Hein, elle ne doit pas remettre les jours. Hein? Rattraper, remettre. Elle doit les faire ce qu'elle n'a pas fait. Hein? Tout ça, c'est des termes en français, juste pour approcher le ma'ana, c'est tout. Hein? D'accord? Et il aime bien faire des ta'liqat dans le tarjama. Un jour, je vais lui donner le micro, Inch'Allah. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء فقام ليقضي يجهر أو يخافت قال إن شاء جهر وإن شاء خافت سيقول الباب خافت c'est le contraire de جهر c'est-à-dire lire à voix basse doucement d'accord ثم قال إنما الجهر للجماعة قلت له وكذلك إذا صلى وحده المغرب والعشاء إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر قال نعم إنما الجهر للجماعة وكذلك قال طاووس في من فاتته بعض الصلاة وهو قول الأوزاعي ولا فرق بين القضاء والأداء là vous avez une différence entre les deux mots dans le fiqh القضاء والأداء الأداء c'est quand tu pries القضاء c'est quand tu rattrapes tes prières d'accord maintenant question Est-ce qu'on ne peut pas rattraper une partie de prière Oui, hein, si tu as raison. Un exemple. Par exemple, tu arrives à l'Isha, la dernière raka. Hein? On dit fa'atatka arba raka'at min al-Isha. Qu'est-ce que tu fais bah, Tu termines quand même tes quatre raka'at de l'Isha. Hein? Tu t'aimes. Oui, Inch'Allah. Je vais voir quand tu es de ce côté-là, tu vois, c'est pas la même chose. قلت له كذلك قال طاووس في من فاتته بعض الصلاة بعض c'est pour ça qu'il a dit بعض الصلاة une partie de la prière. وهو قول الأوزاعي ولا فرق بين القضاء والأداء. وقال الشافعي رحمه الله رحمة الله على الجميع يسن للمنفرد الجهر. لأنه غير مأمور بالإنصات إلى أحد فأشبه الإمام ولنا أنه لا يتحمل القراءة عن غيره فأشبه المأموم في سكتات الإمام ويفارق الإمام فأنه يقصد إسماع المأمومين ويتحمل القراءة عنهم ولا هذا أشار أحمد في قوله إنما الجهر للجماعة فقد توسط المنفرد بين الإمام والمأموم وفارقهما في كونه لا يقصد إسماع غيره ولا الإنصات له فكان مخيرا بين الحالين انتهى كلام ابن قدامه رحمه الله la parole d'Ibn Qudama dans le Mughni qu'est-ce qu'il dit Ibn Qudama dans le Mughni رحمه الله je vous donne la référence inshallah volume 2 page 492 édition Al-Shamila donc il y a un point qui est le 792 chapitre lire à voix haute est légiféré pour l'imam. Et ce n'est pas légiféré pour le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam. Hein, on a dit quoi ? Il y a toujours l'imam, le ma'moum et le munfarid. L'imam, celui qui guide, le ma'moum, c'est celui qui est guidé, et le munfarid, c'est celui qui prie seul, individuellement. Et ce, sans aucune divergence, il dit le cheikh ici. Car il a été commandé au ma'moum de quoi ? De se taire derrière l'imam et d'écouter. Qu'est-ce qu'il donnait rapidement un délit du Coran ? وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Et il lui a même été interdit de réciter en raison de cela. Tandis que celui qui prie seul, ce qui est apparent de la parole de l'imam Ahmed, c'est qu'il a le choix. Ainsi que celui qui a raté une partie de la prière avec l'imam. D'accord ? Vous suivez, hein ? Et qui s'élève pour terminer, comme l'a dit le frère très justement. Qui s'élève pour terminer sa prière, Al-Athram a dit, j'ai dit à Abu Abdillah, c'est qui Abu Abdillah ah, c'est pas Hassan, hein Hassan il est devant nous, c'est Al-Athram, c'était à l'époque, hein c'est qui Abu Abdillah L'imam Ahmed, rahimahullah. Il a son fils d'ailleurs, qui a rapporté sa masa'il, hein d'accord Abdullah, il s'appelait, rahimahullah. Un homme qui a raté une raka'a d'al-Maghrib ou l'Isha avec un imam, puis se lève pour terminer sa prière, récite-t-il à voix haute ou à voix basse C'est Abdullah qui a... Il a entendu Abou Abdillah. Il répondit à voix haute, s'il le veut et s'il le veut à voix basse, d'accord Il a dit fatatou. Ici, regardez, je répète la question comme elle est. Un homme qui a raté une raka'a dans le maghrib, ou l'isha avec un imam, puis s'élève pour terminer sa prière. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une de ces trois raka'a de l'isha restante, ou de ces deux raka'a de maghrib restante, qui sera normalement à voix haute. On est d'accord? Récite-t-il à voix haute ou à voix basse? Il répondit, à voix haute s'il le veut, et s'il le veut, à voix basse. Puis il dit, à voix haute, c'est que pour la prière en congrégation, ce n'est que pour le jama'a. Je lui dis alors, est-ce de même pour celui qui prie le maghrib et l'isha individuellement? Regardez, vous avez vu les questions, hein? S'il veut, il récite à voix haute, et s'il veut, il récite à voix basse. Il répondit, c'est-à-dire qu'il est même Ahmed, rahimahullah, oui, réciter à voix haute, ce n'est que pour la prière en congrégation. De même, il a dit Taous, en ce qui concerne celui qui a raté une partie de la prière. Et c'est aussi l'avis de l'Aouzaï. Il n'y a pas de différence entre celui qui prie et celui qui récupère la prière. D'accord? Ou rattrape, si vous avez dit tout à l'heure, d'accord? Al-Shafi'i, rahimahullah, a dit, c'est une sunna pour celui qui prie, seul de lire à voix haute. Car il ne lui a pas été ordonné de se taire. Contrairement à celui qui est derrière l'imam, qui, lui, on lui a ordonné de se taire et d'écouter l'arrestation de l'imam. On ne lui a pas ordonné de se taire pour écouter quelqu'un. Il ressemble donc à l'imam. Va dans notre sens, hein, de ce qu'on dit, qu'il n'a pas la responsabilité d'écouter la récitation d'autre que lui. Il n'a pas la responsabilité d'écouter la récitation d'autre que lui. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. Hein? D'accord? Le ma'moum fait de même que l'imam lorsqu'il se tait. On est d'accord? Et la différence maintenant réside dans le fait que l'imam fait entendre sa récitation aux gens qui prient derrière lui. Et endosse la responsabilité de la lecture. Il endosse la responsabilité de la lecture pour eux. C'est-à-dire l'imam, c'est lui qui lit pour les gens. On est d'accord? On avait dit que, attention, sauf le Fatiha. Vous vous souvenez qu'on avait dit qira'atul imam, qira'atul lah, etc. On avait parlé de hadith, etc. Hein? Et c'est ce qu'Ahmed a indiqué dans sa parole. La récitation à voix haute n'est que pour la prière en congrégation. Celui qui prie seul est donc entre l'imam et celui qui prie derrière l'imam. Il est en situation quoi? Intermédiaire. Parce que l'imam, il est à voix haute, il fait entendre les gens. Tandis que le ma'moum, il se tait parce qu'il doit écouter l'imam. Tandis que celui qui est individuellement, il n'a personne à faire entendre et la personne à écouter. C'est ça que ça veut dire ici. Tawassata, il a dit le shir. Il y a une voie intermédiaire entre les deux. Vous situez la situation. C'est pour ça à la fin qu'on va voir en fait qu'est-ce qu'il a. Il a le choix. D'accord? Vous voyez le fiqh des ulama, comment ils comprennent les choses. Hein? Celui qui prie seul est donc entre l'imam et celui qui prie derrière l'imam, mais est différent d'eux dans le sens où il ne fait pas écouter à autre que lui sa lecture et que les autres se taisent pour l'écouter. C'est pour cela qu'il a le choix entre les deux situations, c'est-à-dire lire à voix haute ou à voix basse. Fin de citation d'Ibn Qudama dans Al-Mughni. Hein? Je voudrais comme terminer le chapitre aujourd'hui, on continue un petit peu, Inch'Allah, un tout petit peu. Il y a encore deux points, on a fini, Inch'Allah. Hein? Al-Mas'alatu Sadisa. Qu'est-ce qu'il y a? Je la lis d'une traite comme ça. Hein? Après, on traduit en français d'une traite aussi, Inch'Allah. إذا رفع الإمام صوته بالقراءة في صلاة السرية أحيانا ليعلم الناس فلا حرج فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جهروا بقراءة الفاتحة في الصلوات السرية التي يسن فيها الإصرار قال العلماء وذلك منهم رضي الله عنهم وأرضاهم تعليما للناس ماذا يقرؤون في الصلاة وبعضهم كان يجهر بالأذكار يرفع صوته بها ليعلم الناس هذه الأذكار أنها تقال في الصلاة فإذا حصل أحيانا فلا بأس وإذا حصل سهوا منه رفع الصوت في السرية فإنه لا يلزمه السجود للسهو قال الصنعاني في سبل السلام عند حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا ويسمعنا il nous faisait entendre. On va le voir, Inch'Allah. Al-ayata ahyanan. Wa yutawwilu al-raka'ata al-oula. Wa yaqra'u fil ukhrayayni bifatihati al-kitab. Akhraj al-Bukhari fi kitab al-adhan, bab al-qira'ati fi al-dhuhr. Wa muslim fi kitab al-salah, bab al-qira'a fi al-dhuhr wa al-asr. Qala al-san'ani rahimahullah. C'est qui al-san'ani rahimahullah? Sahib Subul Salam, c'est le grand savant yéménite. Il est à quelle époque? L'époque de Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah. La même époque. C'était des contemporains. Sauf que l'imam Sana'ani était au Yémen. D'accord? Grand, illustre savant, l'imam Sana'ani, rahimahullah, qui a fait une des meilleures explications de Bulugh al-Maram, qui s'appelle Subul Salam, Sharah Bulugh al-Maram. Et c'est ça qu'on cite ici. J'étais où là? قال صنع رحمه الله فيه دليل على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع ركعات في كل واحدة. Hein? Viens regarder le Paltalk. Juste regarder si ça, s'il y a le mic sur Paltalk et s'il y a le, si l'enregistrement est toujours on. Juste regarder, inshallah. Ça tourne ça, alhamdoulillah. وقراءة سورة معها في كل ركعة من الأوليين وأن هذا كان عادته عليه الصلاة والسلام. كما يدل له كان يصلي. Donc كان يصلي, on prend de quoi العادة. هي إذ هي عبارة تفيد الاستمرار غالبا. وإسمعهم الآية أحيانا دليل على أنه لا يجب الإصرار في السرية وأن ذلك ليقتضي سجود السهو. وفي قوله أحيانا ما يدل على أنه تكرر ذلك منه. وقد أخرج النسائي من حديث البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ونسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. وأخرج ابن خزيمة من حديث أنس نحوه ولكن قال سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. فإن حصل من الإمام سهوا رفع الصوت في السرية وسجد للسهو جاز ولا يجب لعموم قول عليه الصلاة والسلام عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. أخرج أحمد في المسند والطيالسي في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو داود في السنن في كتاب الصلاة باب من نسي أن يتشهد وهو جالس وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها أو السنة فيها باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام والبيهقي في السنن الكبير ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأخرج البيهقي في السنن الكبير وفي معرفة السنن والآثار والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي إروى الغليل وقد أشار العلائي في نظم الفرائد وابن حجر في الدراية والألباني في إروى الغليل إلى وجود أحاديث في الباب تشهد للحديث. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça maintenant ici? Le sixième point tiré du chapitre. Qui a pour titre quoi? C'est quoi le titre du chapitre? C'est quoi le titre du chapitre, les frères? Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que j'ai raté ma leçon. Hein? Ouais. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est sous le titre quoi? En français? Non. D'accord. Et autres. Mouririha. Et autres, hein, d'accord? C'est bien, Ahsan, barakallahu fik. Il n'y a aucun problème, mal, à ce que l'imam, de temps à autre, élève la voix en récitant dans la prière à voix basse. Et ce, pour apprendre, enseigner aux gens. Car cela a été rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que certains compagnons, radiallahu anhum, ont récité la fatiha à voix haute dans certaines prières à voix basse. Regardez le fiqh de l'imam. Où il est une sunna, ou c'est une sunna de lire à voix basse. Les savants ont dit, c'était de leur part un enseignement aux gens, ce qu'ils devaient réciter dans la prière, et certains d'entre eux récitaient les invocations en élevant la voix pour leur apprendre ces invocations et qu'elles font partie de la prière. D'accord? Et si cela est fait de temps en temps, il n'y a aucun mal à cela. Ahyana en arabe, d'accord? Parfois. Maintenant, si quelqu'un élève la voix par oubli, maintenant quelqu'un va me dire, oh, mais... Maintenant, j'ai pris la voix basse, d'accord, puis j'ai levé la voix par oubli. Qu'est-ce que je fais? La réponse, elle est là. Maintenant, si quelqu'un élève la voix par oubli, dans une prière à voix basse, il ne doit pas faire de prosternation, de correction. De prosternation qu'on appelle des distractions en général, d'accord? Sujoud sahou, du verbe saha. T'es distrait, d'accord? As-San'ani, rahimahullah, a dit dans Subul Salam, l'explication de Bulugh al-Maram, dans l'explication du hadith d'Abu Qatada, Dans l'explication du hadith d'Abu Qatada, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous guide dans la prière. Et réciter, écoutez bien, dans la prière du Dhuhr et du Asr, dans les deux premières unités de prière, la Fatiha. Comment est-ce qu'il savait ça? Parce qu'il leur faisait entendre, de temps en temps, parfois. Et deux sourates. Et parfois, nous faisait entendre le verset, vous voyez? Il allongeait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la première et récitait dans les deux dernières la Fatiha. D'accord? Rapporté par le Bukhari, livre de l'appel à la prière, chapitre de la récitation dans la prière du Dhuhr, hadith numéro 759. Et Muslim, livre de la prière, chapitre de la récitation dans la prière du Dhuhr et de l'Asr, hadith numéro 451. Donc 759 Bukhari et Muslim 451. As-Sana'ani, rahimallah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, il y a en cela la preuve de la législation de la lecture d'Al-Fatiha dans chacune des unités de prière et de la lecture de notre sourate dans chacune des deux premières unités de prière. Vous vous souvenez qu'on avait dit quoi? Deux premières, tu lis le Fatiha et une autre sourate. Et les deux dernières, Fatiha uniquement. D'accord. Et si maintenant tu lis une sourate, est-ce que ta prière elle est valable? Oui. Alors, maintenant si tu le fais systématiquement, alhamdoulilah, si tu le fais systématiquement, on peut rentrer dans ce qu'on avait appelé quoi? Al-bid'a al-idafiyya. Vous vous souvenez de ça? D'accord. Et que c'était l'habitude du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est indiqué par sa parole, kana yusalli. Une notion de quoi? De ada. Ici, hein? Kana yusalli, il priait, il avait l'habitude de prier. Car cette expression indique la continuité en général. Tufidul istimrar. Et le fait qu'il leur faisait parfois entendre le verset est une preuve qu'il n'est pas obligatoire de lire à voix basse dans les prières à voix basse. Suivez. Tu suis? Et que élever la voix n'indique pas des prosternations, n'implique pas des prosternations d'oubli, de correction. Maintenant voilà, tu es dans une prière de Dhuhr et tu lis à voix haute. Tu es là, alhamdoulilah. Tu es là, tu lis le Fatiha, tu récites, tu te rends compte que quoi que? Ah ben j'ai lu à voix haute. Qu'est-ce que tu fais? Ta prière elle est valable ou pas? Naam. Est-ce que maintenant tu es obligé de faire sujoud sahou? Non. Mais est-ce que tu peux? Oui, tu peux. Jaza, il a dit cher ici après. Jaza ou Allah yajib. Ça n'implique pas de prosternation de correction. Et dans sa parole, parfois, il y a une preuve que cela est arrivé plusieurs fois. Al-Nasa'i a rapporté, d'après le hadith d'Al-Bara, qu'il a dit, nous étions en train de prier le Dhuhr derrière le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et nous entendîmes verset après verset de surat Luqman et Al-Dhariyat. Et Ibn Khuzayma a rapporté, donc il a dit quoi? Ils entendaient surat Luqman et Dhariyat. Comment ils le savaient? Parce qu'ils entendaient. Et Ibn Khuzayma a rapporté de Anas, radiallahu anhu arda, un hadith identique, mais où il dit Sabbih isma rabbika al-a'la, et hal ataka hadithu al-ghashiyah. Fin de citation. Si maintenant l'imam par oubli élève la voix dans une prière à voix basse et qu'il fait les prosternations de correction, c'est autorisé, mais pas obligatoire. Et c'est en raison de la généralité de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'après Thauban, que le prophète alayhi wa sallam a dit à chaque oubli, deux prosternations après la salutation. Donc s'il le fait quoi? C'est un oubli ou pas? S'il a oublié de le réciter à voix basse? Oui. Donc il a un dalil, c'est quoi? Pour chaque oubli, il y a deux prosternations après la salutation. Mais maintenant, est-ce qu'il est obligé de le faire? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas obligatoire de lire à voix basse dans les prières à voix basse. Comment est-ce que le voit? Que le prophète, des fois, il faisait entendre, et le sahaba aussi. Hein? Et c'est rapporté par Abdelrazzaq dans son Moussannaf, volume 2, page 322, hadith numéro 3533. Ibn Abi Shaybah dans son Moussannaf, retenez le nom des livres des ulama, volume 2, page 33. Et Abu Daoud, livre de la prière, chapitre de celui qui oublie de faire le teshahoud alors qu'il est assis, hadith numéro 1038. Et Ibn Majah, dans As-Sunan, hadith 1219. Et Al-Bayhaqi, dans As-Sunan al-Kabir, volume 2, page 337. Et par la voix d'Abd al-Razzaq, At-Tabarani l'a rapporté dans Al-Mu'jam al-Kabir, volume 2, page 92. Hadith numéro 1412. Et en résumé, je vous donne le hukm de Cheikh al-Albani, rahimahullah, jugé Hassan par Cheikh al-Albani, dans Sahih Sunan Abi Daoud, volume 1, page 193. Parce que vous savez que Sunan Abi Daoud, Cheikh, il l'a fait en un volume et il l'a fait en Ah, je ne sais plus, 9 ou 10, là à la maison, mais c'est une édition la plus complète de Sunan Abi Daoud, où il parle en détail avec le riwayat, etc. D'accord? Donc Sunan Abi Daoud, vous avez le Sahih en un volume que tout le monde connaît, hein, comme Tirmidhi, Nasa, Ibn Majah, et vous avez la grande édition. Pardon? Juste le hadith, volume 1, page 193. Maintenant, dernier point, Inch'Allah, et après je vous laisse. المسألة السابعة إذا قضى الصلاة السرية أو الجهرية ما الحكم في القراءة؟ maintenant si tu récupères comme on a dit cette prière, c'est quoi le حكم ici؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني, vous voyez que c'est un livre de référence que les ulama citent souvent dans le fiqh. فأما إن قضى الصلاة في جماعة فإن كانت صلاة نهار أسر سواء قضاها في ليل أو نهار لأنها صلاة نهار ولا أعلم في هذا خلافا. فإن كانت الفائتة صلاة جهر فقضاها في ليل جهر في ظاهر كلام أحمد لأنها صلاة ليل فعلها ليلا فيجهر فيها كالمؤدات وإن قضاها نهارا فقال أحمد إن شاء لم يجهر فيحتمل الإصرار وهو مذهب الأوزاعي والشافعي لأن صلاة النهار عجماء. On va voir qu'est-ce que ça veut dire عجماء. C'est quoi صلاة عجماء? On va voir qu'est-ce que ça veut dire inshallah. وهذه صلاة نهار وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. C'est quoi le nom d'Abu Huraira? La plus forte des paroles des savants. عبد الرحمن بن ساخر رضي الله عنه وأرضاه. قال إذا رأيتم من يجر بالقراءة في صلاة النهار فرجموه بالبعر. رواه أبو حفص بإسناده. C'est un hadith que Cheikh Al-Albani a jugé ضعيف. على كل حال ودي قد صارت صلاة نهار ولأنها صلاة مفعولة بالنهار فأشبه الأداء فيه ويحتمل أن يجهر فيها ليكون القضاء على وفق الأداء وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر ولا فرق عند هؤلاء بين المنفرد والإمام وظاهر كلام أحمد أنه مخير بين الأمرين لشبه الصلاة المقضية بالحالين انتهى كلامه رحمه الله. On a fini avec ça le livre, le chapitre. Septième point, dernier point, ici. Vous avez juste juste vous concentrer sur un dernier point. Comme ça, on a le tout bien, Inch'Allah, et puis on peut rentrer, Inch'Allah. Si quelqu'un veut récupérer une prière maintenant, à voix basse ou à voix haute, bien comment est-ce qu'il doit réciter? D'accord? Eh bien, Ibn Qudama, rahimahullah, il est mort en 622 de l'Hégire. Qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans le Mourni, volume 2, page 493. Volume 2, page 493, et c'est édition Al-Shamila. D'accord? Tabat Al-Shamila. S'il récupère, rattrape, c'est-à-dire une prière non priée, si vous voulez, une prière en congrégation, Si cette prière est une prière du jour, ce qu'on appelle Salat Nahar, diurne, si vous voulez, en français, il récite à voix basse. Et ceux qui la récupèrent le jour ou la nuit. Suivez ou pas? Une prière du jour, elle est à voix basse. Donc il l'a pris à voix basse, qu'il la récupère le nuit ou le jour. On est d'accord. Car c'est une prière diurne de jour. Et je ne connais à ce sujet aucune divergence. Maintenant, si cette prière manquée est une prière à voix haute, donc on a le premier cas, faites un organigramme, faites un petit schéma, prière à voix basse, prière de jour, prière à voix basse évidemment, de jour, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je la lis à voix basse, que ce soit le jour ou la nuit. Et Ibn Qadama, plus proche, l'Asr peut-être. Allez, on va donner. Vas-y, donne un exemple. C'est juste, vas-y. Sois précis. Quelle prière, par exemple? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Tu t'endors. Ça arrive, des fois, on est tellement fatigué, des fois. Hein? Est-ce que tu es excusé, au fait, si tu t'endors? T'es sûr? Dalil? Tu me rapportes le hadith. Tu vois, c'est pas facile de parler. Rapporte le hadith. Aïwa, tu vois quand les doigts les gens c'est pas facile. Vas-y, rapporte le hadith. Vas-y, aïwa. An thalatha. يثق النائم حسب الدليل الشاهد من الحديث الشاهد حتى النائم حتى يستيقظ و dans l'œuvre de l'hadith Al-Saghir, c'est-à-dire le petit jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de puberté, le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison, et celui qui dort jusqu'à ce qu'il réveille, il se réveille. Il y a Abraham qui sort son livre là, il me fait peur. Donc le shahid du hadith ici, c'est que Naïm hatta yastaqid. Maintenant voilà, ben, il doit prier ou pas prier. Ça y est, khalas, il s'est endormi, il prie plus. Hein? Tu as ta réponse maintenant ou pas? Tu suis? Voilà. Maintenant on va donner la réponse à ça. Donc maintenant tu as un exemple, on va donner la réponse à ça, inchallah. Mais maintenant qu'est-ce qu'il fait? On a dit quoi? Si il rahmukallah. Maintenant, si cette prière manquée est une prière à voix haute et qu'il l'a repris, récupère la nuit, il récite à voix haute. Et c'est ce qui est apparent de la parole de l'imam Ahmed. Car c'est une prière de nuit qu'il prie la nuit. D'accord ? Donc la première, l'exemple qu'il a donné toi, c'était pour la première. Donc on a dit qu'il a lu à voix basse de toute façon, que ce soit la nuit ou le jour. Maintenant, autre situation, c'est une prière qui est à voix haute. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a pris à voix haute. D'accord? Car c'est une prière de nuit qu'il prie la nuit. Et il l'a pris à voix haute comme s'il l'a prié en premier lieu. C'est-à-dire que, en fait, quand tu l'as récupéré, tu l'as pris comme si tu l'avais prié en premier lieu, comme si tu l'avais prié normalement. D'accord? Ahmed dit, rahimahullah, s'il veut, il n'élève pas la voix. Je me trompe là, attention. On reprend. Maintenant, si cette prière manquée est une prière à voix haute et qu'il la récupère la nuit, il récite à voix haute. D'accord ? Il la récupère la nuit, maintenant on a dit. Et c'est ce qui est apparent de la parole de l'imam Ahmed. Car c'est une prière de nuit qu'il prie la nuit. Taïeb. Il l'a prie à voix haute comme s'il l'a prie en premier lieu. Ça, on a déjà dit. D'accord ? Et s'il la récupère la journée, Ahmed dit, s'il veut, il n'élève pas la voix. D'accord ? Ce qu'il peut être compris comme réciter à voix basse. Et c'est le madhab d'Al-Awza'i et de Shafi'i, car la prière en journée est ajma. Alors maintenant, je me suis dit, comment est-ce que je vais expliquer ajma? Alhamdulillah, j'ai trouvé la réponse. Ajma, car les ulama disent ajma, ça vient de a'ajim. Qu'est-ce que ça veut dire a'ajim? Non-arabe. D'accord? Eh bien, la ressemblance est faite en non-arabe, car une parole, pour être une parole chez les grammairiens arabes, elle doit être quoi? Vous voyez, on rejoint la première parole qu'on a dit dans le début du dars. Bilwad al-arabi, ça doit être une parole arabe. D'où la prière ajma, c'est-à-dire à voix basse, littéralement sans parole. Donc une prière ajma, c'est pas une prière en arabe. C'est une prière quoi? Littéralement sans parole, mais qu'est-ce que ça veut dire? À voix basse, qu'on a vu qu'on était obligé de prononcer quand même. On est d'accord? Ça va? C'est juste un terme technique ici, l'ajma. Hein? Parce qu'il y a un hadith, hein, ajma. Donc si vous voyez ajma dans le hadith maintenant, vous savez que c'est quoi? À voix basse, c'est tout. C'est une explication que j'ai prise de Cheikh Farkous notamment. Hafidahullah. Et c'est une prière diurne. Abu Huraira a rapporté que le prophète Sassim a dit, si vous voyez quelqu'un réciter à voix haute l'une des prières diurnes, c'est-à-dire de jour, lapidez-le avec al-ba'r. Abu Hafs l'a rapporté avec sa chaîne de transmission. Cheikh Al-Albani, Sils la hadith da'ifa, numéro 6919, il a dit monkar, da'if. D'accord? Donc cette prière récupérée est devenue une prière de jour, car elle est récupérée, priée la journée. Vous situez maintenant. On a dit quoi? C'est important de résumer. Une prière à voix basse. On l'a prié à voix basse, que ce soit la nuit ou le jour. Maintenant, prière à voix haute. On l'a prié la nuit à voix haute. Parce qu'une prière de nuit, on l'a prié la nuit à voix haute. D'accord? C'est comme si on l'avait prié en premier lieu. On est d'accord. Maintenant, si c'est une prière à voix haute qu'on récupère le jour. Tu peux la réciter à voix Tu la récites à voix haute, mais tu peux la réciter à voix basse. D'accord. Et c'est quoi la raison maintenant? Hein? C'est pas juste. Et où est le problème avec ça ici? Ce qu'on a dit ici, maintenant tu vas voir que dans la fin de ce qu'on va traduire ici, c'est que tu as le choix en fait. D'accord? Tu as le choix. On parle de la prière à voix haute le jour. C'est ce cas-là en fait. Par exemple, le soir, c'est une voix haute. Ah, bien sûr. Donc le jour, la sunna en fait, c'est de faire ça. Mais c'est ce qui est dit justement ici, rapport de qawa'id amma en fait. C'est important de situer ça comme ça. Tu vois? Plutôt. On va voir ici. On va voir se limiter à ce qu'il dit le cheikh, tu vois. Donc cette prière. Non, il n'y a pas de problème, mais en sachant qu'on avait dit pas de questions hein, dans le cours. Donc cette prière est récupérée. Oui, il est déjà habitué. Il est habitué maintenant. Khalas, c'est il est plus habitué que toi, Adam Menouad. Après le dars, Inch'Allah. Donc cette prière récupérée est devenue une prière de jour qu'elle a récupérée, priée la journée. Elle est donc comme celle qui est priée de jour. Et il est possible de comprendre, de la lire à voix haute. En fait, si vous voulez, on peut la comprendre comme ça, on la comprendre comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant, vous allez voir regarde, les ulama comment ils comprennent les choses. Il est possible de comprendre, de la lire à voix haute comme si elle était priée normalement. Et c'est l'avis d'Abu Hanifa, Abu Thawr, Ibn al-Mundir. Et chez ceux-là, il n'y a aucune différence entre celui qui l'a pris individuellement et celui qui guide la prière. Et ce qui est apparent de la parole de l'imam Ahmed, de la vie de l'imam Ahmed, c'est qu'elle a le choix entre les deux, et ce en raison de la ressemblance de la prière récupérée avec les deux situations. Mais regardez maintenant. On prie à voix haute. D'accord, on prie à voix haute. Je la récupère la nuit. Je la prie à voix haute, pourquoi? Parce que c'est une prière de nuit, on est d'accord. Maintenant, si je la prie la journée, eh bien ici, on peut la comprendre comme ça ou comme ça. Je peux la comprendre que je prie de nuit, normalement, qui est à voix haute, eh bien, je la prie la journée, je la prie donc à voix haute. D'accord? Comme si je la priais en premier lieu, mais, sauf que je la récupère. Ou je peux comprendre que parce que c'est une prière qui est priée la journée, même si c'est une prière de nuit, elle prend quoi? Exactement. Donc elle a prié à voix basse. Mais c'est pour ça qu'il a dit, c'est qu'il a le choix entre les deux, et ce en raison de la ressemblance de la prière récupérée avec les deux situation, comme si tu l'avais prié à la base à voix haute, donc comme si tu l'as prié en journée, comme une prière de journée à voix basse. C'est ça qu'il faut comprendre ici, Inch'Allah. D'accord? Fin de citation, on a fini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam wa subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.